Ah, ça fait de Janus, compte sur toi. El Fino, petit diesel, toute la MIFA. Beat by Bambino. Ah. Passer toute ma vie à chercher mon repère, pendant que ma vie est une misère. Les gens de leur côté, oui, me jettent dans la merde. Sans savoir là d'où je viens, j'ai pas eu de père, j'ai pas eu de mère. Sortir, oui, dans la rue, se chercher de petits boulots. Car les gens du credo, s'il faut compter sur eux, c'est comme débuter toujours à zéro. Je compte sur moi, je compte sur moi. L'avenir est loin, alors je compte sur moi. Je compte sur moi, je compte sur moi. Le succès est loin, alors je compte sur moi. Je compte sur moi, je compte sur moi. L'avenir est loin, alors je compte sur moi. Je compte sur moi, je compte sur moi. Le succès est loin, alors je compte sur moi. Oui, vis ta vie comme s'il y avait personne. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les gens parleront de toi sûrement un jour. Mais il faut que tu sois en bien. L'avenir est loin, l'avenir est loin. Non, non, n'abandonne pas. L'avenir est loin, l'avenir est loin. Non, non, ne baisse pas les bras. Je compte sur moi, je compte sur moi. L'avenir est loin, alors je compte sur moi. Je compte sur moi, je compte sur moi. Le succès est loin, alors je compte sur moi. Je compte sur moi, je compte sur moi. L'avenir est loin, alors je compte sur moi. Je compte sur moi, je compte sur moi. Le succès est loin, alors je compte sur moi. Puissance d'espoir, puissance nuage. Il faut se chercher une place au soleil. Puissance d'espoir, puissance nuage. Toute ma vie se résume devant ma porte. Peut-être j'y crois encore, car l'avenir c'est loin. Au bout de l'effort se trouve la récompense. Alors, moi j'y crois. Je compte sur moi, je compte sur moi. Dès que soir t'indique, moi je compte sur moi. Je suis seul au monde, oui je me le dis. Alors, je compte sur moi, je compte sur moi, je compte sur moi. Et que soit à dire, moi je compte sur moi, je compte sur moi, je compte sur moi. Non, non, je compte sur moi. Quand je grandirai, j'aurai ma belle maison, une belle voiture. Quand je grandirai, j'aurai ma famille à moi. Ah, de beaux enfants. Quand je grandirai, j'aurai ma belle voiture. Non, non, j'aurai. Quand je grandirai, j'aurai un toit à moi. Alors, tu comptes sur moi.